Chapitre 137. Le salam de l'homme à son épouse et aux autres femmes qui lui sont interdites au mariage, mère, sœur, ainsi qu'à toute autre femme qui lui est étrangère s'il ne craint pas de tentation. Et le salam des femmes aux hommes à cette condition. 863. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte. Il y avait parmi nous une femme, une vieille femme, selon une autre version, qui avait l'habitude de jeter pour nous des blettes, variété de betterave, dans une marmite avec des grains d'orge broyés. Quand nous revenions de la prière du vendredi, nous la saluions, et elle nous l'offrait à manger. Al-Bukhari. 864. Hani, Fakhita bint Abi Talib, a dit « J'ai rendu visite au prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de la Mecque, et l'ai trouvé en train de se laver. » Fatima, sa fille, le mettant à l'abri des regards à l'aide d'un vêtement. Je l'ai alors salué. Et elle cita le reste du hadith. Muslim. 865. D'après Asma bint Yazid, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa à côté d'un groupe de femmes dont elle faisait partie et les salua. Abu Daoud. Dans la version d'At-Tirmidhi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa à côté d'un groupe de femmes assises dans la mosquée et les salua d'un geste de la main. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».